Isanganiro. Alain Désiré, Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La commission Vérité et Réconciliation du Burundi annonce qu'elle est en cours de préparation de l'architecture et la méthodologie de travail avant de faire des descentes sur les lieux. En ce qui concerne la gestion de la problématique des terres et autres biens qui rentrent actuellement dans les attributions de la CVR. Au cours de cette édition, Jean-Pierre Misago nous fait la lecture des sanctions prévues par le Code des forestiers du Burundi. C'est après des lamentations de l'Office burundais en charge de protection de l'environnement OBPI, antenne provinciale de Lumonge, que des suspects d'en doter les infractions ont été illégalement libérés. Et puis certains responsables d'industrie au Burundi soulèvent des défis et notamment l'interdiction de transaction d'un compte bancaire burundais en devise vers un autre compte en devise entrave leur quotidien. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. La commission Vérité et Réconciliation du Burundi est en cours de préparation de l'architecture et la méthodologie de travail avant de passer à l'action en ce qui concerne la gestion de la problématique des terres et autres biens qui rentrent actuellement dans les attributions de la CVR. Dans une conférence de presse de ce vendredi sur le lancement du second recensement des personnes assassinées ou disparues au cours des crises qu'a connu le pays qui débute ce lundi, le président de la CVR a annoncé que dans les jours à venir, la commission procédera par des descentes sur les lieux en vue de comprendre la complexité de ces conflits fonciers. Suivez plutôt Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR. La problématique des terres et autres biens, qui est aujourd'hui dans les attributions de la commission Vérité et Réconciliation, aujourd'hui nous sommes en train de dessiner l'architecture, la méthodologie de travail, et nous pensons que la meilleure façon de traiter cette problématique, c'est d'aller vers les provinces, vers les communes et vers les victimes. Les Burundais qui nous écrivent massivement du courrier et qui l'envoient à Bujumbura, nous leur conseillons de ne pas écrire beaucoup et d'adresser les lettres aux seigneurs de la commission. Nous allons lancer des campagnes à travers les provinces et quand nous allons démarrer cette activité, nous allons annoncer le calendrier par province. Exemple, si nous disons, nous avons un mois en Ngozi, nous voulons que les gens de Ngozi nous trouvent en Ngozi même. Si nous allons à Gitega, nous disons 3 semaines à Gitega, nous allons nous installer à Gitega et nous voulons que les gens de Gitega nous trouvent à Gitega. S'il y a une maison à visiter à Gitega, à Magarama, au centre-ville, nous la visitons étant à Gitega. Parce que le courrier ne renseigne pas suffisamment sur la complexité des conflits fonciers nés des crises cycliques que le Burundi a connues. Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR. La problématique des terres et autres biens rentrée auparavant dans les attributions de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, dont le mandat a pris fin en mars 2022. Le Burundi enregistre une perte de 30% sur les récoltes de grains qui ne sont pas convenablement conservées. Dans une émission mercredi sur les réalisations des agences des Nations Unies au Burundi avec l'OIM, le PNUD, l'OMS et l'UNICEF, selon le plan cadre de coopération pour le développement durable signé en décembre 2022, Sibi Lawson Mario, représentant du Programme alimentaire mondial PAM, a précisé que l'amélioration de la nutrition par une agriculture résiliente au changement climatique sont quelques-unes des champs d'intervention de cette organisation en collaboration avec d'autres agences onusiennes. Suivez plutôt Sibi Lawson Mario au micro de Kirombo Leonidas. en collaboration avec les 9 agences du système des Nations Unies et nos partenaires, notamment des ministères d'Agriculture, Solidarité, Éducation, on met notre expertise au service de la mise en œuvre de programmes et activités visant à transformer le système alimentaire ici à Burundi pour améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance aux communautés rurales du Burundi, notamment les ménages. Et il faut noter, bon, ça peut être la distribution de semences résilientes, on fait la production et diffusion de bulletins d'alerte météorologue, car le changement de climat, c'est un grand défi pour la sécurité alimentaire. Et il faut consommer avec beaucoup de stratégies. Je vois que vous avez quand même beaucoup à faire, oui. Mais les résultats que vous voulez avoir au bout du compte, c'est quoi? Maintenant, on se met beaucoup à la résilience à le changement climatique, car c'est un des plus grandes menaces à l'alimentation à la maison. On a beaucoup de stratégies, comme j'ai dit, c'est une combinaison qui va donner des résultats positifs qu'on aime voir. J'ai mentionné la distribution des semences résilientes. Et on travaille avec d'engrais chimiques, mais aussi le fumier organique. On travaille avec les agences pour la production de ces bulletins d'alerte qui nous donnent aux gens l'opportunité de faire les changements qu'il faut faire, les adaptations qui sont efficaces à protéger leur récolte. Parlant de récolte, on travaille beaucoup avec les partenaires sur l'amélioration des conditions de stockage pour diminuer les pertes post-récolte. C'est très triste, mais on perd au moins 30% de les récoltes de grains ici au Burundi. 30%, c'est beaucoup. Justement, 30% des graines qui sont perdues comme ça, c'est, à l'origine, c'est quoi? Quelle est la cause, en fait? C'est des conditions de stockage qui ne sont pas bien et les conditions après récolte. Le stockage même au marché. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons cette édition. Chère Naya Bagabo Salome, le nouveau dirigeant de la communauté islamique du Burundi Komibo, en remplacement de Chère Luamba Shabani. Il a été élu au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi à Bujumbura. Le nouveau dirigeant élu à l'unanimité annonce que dans ses priorités, il compte privilégier des projets pour jeunes et ceux relatifs à la santé, tout en appelant les musulmans à rester unis en vue de contribuer au développement du pays. Suivez-le dans ses propos recueillis par Sheila Irambona. Nous avons promis de faire tout notre possible pour contrer tous les défis qui hantent notre communauté. Il y a des secteurs que nous allons privilégier, comme celui de la santé, l'éducation, ainsi que le bien-être de toute personne de notre communauté. Nous promettons de collaborer avec tous, sans exception aucune, et avec beaucoup d'efforts pour arriver à l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous allons également tenir compte des suggestions qui vont nous être données, si celles-ci sont dans le sens de construire notre communauté. Pour ce fait, tous les musulmans sont appelés à donner des idées. Nous promettons également que nous allons lutter contre toute forme de dissension, que nos différences soient notre richesse. Nous voudrions vous annoncer que la période électorale pour notre mufti vient d'être clôturée. La confraternité continue. Celui qui a perdu et celui qui a gagné, nous tous, nous restons des frères. Nous devons rester unis pour contribuer au développement de notre pays et notre religion. Le Coran dit que si deux personnes restent unies, ils sont bénis. Et s'ils sont désunis, ils sont punis. Laissez-moi vous demander, chers musulmans, voulez-vous des punitions ou des bénédictions? Restons alors unis pour que nous puissions atteindre le développement et que nous soyons bénis par l'Éternel notre Dieu. Certains responsables d'industrie disent quelques défis comme l'interdiction de transactions d'un compte bancaire burundais en devise vers un autre compte en devise ne leur facilite pas la tâche. Le directeur des opérations à la Banque de la République du Burundi, BRB, Ferdinand Sabimana, indique que seulement la réglementation de change est ouverte entre plusieurs comptes dans différentes banques, mais d'une même société. Ces échanges ont eu lieu ce vendredi lors d'un café banque et finances organisées par l'Association des banques ABF sous le thème « Évaluation de l'impact des mesures de politique monétaire en faveur des secteurs porteurs de croissance ». Le point avec Omer Ndouaïou. Lors de ce café, les responsables d'industrie s'inquiètent de l'interdiction des transactions d'un compte bancaire en devise vers un autre compte. Et donc des financements qui arrivent ici dans des comptes au Burundi en dollars ou en euros. Et même de notre côté, on rencontre un problème, c'est que les transactions d'un compte burundais en dollars vers un autre compte burundais en dollars sont interdites. Et ça fait que quelqu'un qui a des dollars ici sur son compte au Burundi est obligé de les utiliser à l'étranger, donc d'importer des produits. Et je pense que c'est peut-être une question aussi qui peut être intéressante. La Banque centrale répond que de telles transactions sont permises pour les comptes d'une même société. Ferdinand Sabimana est directeur des opérations à la BRB. En vertu de l'article 4 de la réglementation d'échange, normalement, ce qui est des biens et services rendus au Burundi et concernant des services rendus au Burundi doivent être payés. En monnaie locale, c'est en vertu normalement de cet article. Mais la réglementation d'échange est plus ouverte si une société a un compte en devise dans plusieurs banques, il n'est pas interdit de transférer de bien côté de la société se trouvant par exemple dans une banque A pour le transférer sur le compte de la même société se trouvant dans une autre banque. Sinon, le transfert d'une société vers une autre société, ça pourrait faire prévaloir une sorte de transaction locale. Du moins, toujours la Banque centrale est toujours ouverte pour donner des clarifications sur des aspects pareils qui surviennent dans le cadre du fonctionnement des comptes à devises. C'était lors des échanges qui ont eu lieu ce vendredi lors d'un café banque et finance organisé par l'association des banques ABF en sigle. Omer Ndouaïo, je vous l'avais dit dans les titres, un emprisonnement allant de 2 mois à 20 ans, une amende allant de 50 000 francs burundais à 500 000 francs contre les auteurs des faits de brousse et une amende de 100 000 francs burundais par tête attrapée en train de brouter dans les espaces incendiés sont des sanctions prévues par le Code forestier du Burundi. C'est après des lamentations de l'Office burundais en charge de protection de l'environnement, OBPI, en et provinciale de Rumonge, que les suspects dans de telles infractions ont été illégalement relâchés. Jean-Pierre Misago nous fait plus de détails. L'article 212 de ce code forestier stipule que toute infraction dans la réglementation des feux de brousse et des incendies de forêt est punie d'un emprisonnement de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs burundais. Dans son article 213, ce code prévoit que quiconque, par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, cause un incendie dans les domaines forestiers est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 francs à 200 000 francs burundais ou de l'une de ces peines seulement. S'il en résulte de pertes en vies humaines, la peine est de 5 ans à 10 ans de servitude pénale. L'article 214 punit d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs burundais ou de l'une de ces peines seulement quiconque légalement requis refuse sans justification plausible de prêter son concours à la lutte contre le feu. L'article 216 stipule que quiconque laisse les troupeaux ou des animaux paître sur des terrains incendiés est passible d'une amende de 100 000 francs burundais par animal paissant en délit au moment où l'abattage, les branchages ou l'émondage d'essence protégée sans autorisation sont punis d'une amende de 50 000 à 200 000 francs burundais en observation de l'article 218 de ce même code. Malgré l'existence de ce code, l'Office burundais pour la protection de l'environnement antenne provinciale de Rumonge s'est plaint lors de la réunion de sécurité provinciale de ce mardi que des suspects dans ce genre d'infraction venaient d'être libérés sans même que le tribunal s'y prononce. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et c'est par ici que s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les titres. La commission Vérité et Réconciliation annonce qu'elle est en cours de préparation de l'architecture et la méthodologie de travail avant de faire des descentes sur les lieux en ce qui concerne la gestion de la problématique des terres et autres biens qui rentrent actuellement dans les attributions de cette commission. Au cours de cette édition, Jean-Pierre Missagou nous a fait la lecture des sanctions prévues par le Code des forestiers du Burundi. C'est après des lamentations de l'Office burundais en charge de protection de l'environnement OBPI, antenne provinciale de Rumonge, que des suspects dans de telles infractions ont été illégalement libérés. Et puis, certains responsables d'industrie au Burundi soulèvent des défis, et notamment l'interdiction de transactions d'un compte bancaire burundais en devise vers un autre compte en devise entrave leur quotidien. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, revue de la presse. Alain Désiré, Bukeneza. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Affaire Christophe Nkezabahizi et Jean Bigirimana, que sont-elles devenues ? Se demande Net Press, qui rappelle que le 2 novembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée pour la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, une date choisie par l'Assemblée générale des Nations Unies en mémoire des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Son confrère fait remarquer des cas de journalistes burundais assassinés uniquement parce qu'ils exerçaient le métier d'informer. C'est le cas de Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu, porté disparu depuis le 22 juillet 2016, et de Christophe Nkezabahizi, caméraman de la RTNB, assassiné avec toute sa famille le 13 octobre 2015. Une centaine de journalistes ont pris le chemin de l'exil en 2015, craignant pour leur sécurité. Certains d'entre eux ont été condamnés par la justice burundaise, au moment où d'autres se trouvent derrière les verrous, poursuit Net Press, qui cite notamment Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova, dont le procès semble ne pas avancer comme il faut, et Kenny-Claude Nduwimana, dont la condamnation a été purgée, mais qui est toujours en prison, regrette-t-il, au moment où son co-accusé et co-détenu, Médar Muhiza, a été relâché. Ce quotidien en ligne se félicite tout de même de la récente libération de notre consoeur Florian Irangabillé en août dernier. Changement climatique, prévenir au lieu de subir, titre Burundi Echo, qui souligne que le Burundi compte parmi les 20 pays les plus menacés par les effets du changement climatique. Le gouvernement prévoit la mise en place d'un centre d'alerte précoce d'un coût équivalent à 22 millions de dollars américains, annonce dans les colonnes de son confrère Aniseni Baruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. De son côté, rapporte ce journal, le président du Sénat a récemment participé à la 141e réunion des sénateurs et députés à l'échelle mondiale en Suisse. À son retour, honorable Emmanuel Sinzo Hagera a annoncé qu'il avait présenté les actions déjà entreprises par le Burundi pour protéger l'environnement, telles que la plantation d'arbres et les lois votées, notamment la révision du Code de l'environnement. Par ailleurs, note cet hebdomadaire socio-économique, un appel urgent à l'action a été leur préoccupation afin que les responsables passent des déclarations à l'action et travaillent réellement pour protéger l'environnement en pensant à la justice pour les générations futures. Revue de la presse. Police spéciale de roulage, où sont les permis de conduire ? Alerte le journal Iwachu. En effet, les demandeurs de permis biométriques de conduire s'interrogent de plus en plus. Leur requête n'est pas honorée. Attendez, c'est la seule réponse donnée. Interrogé sur les raisons de cette inaccessibilité, le commandant de la PCR, le colonel de police Étienne Tshitegetse, affirme que cela est dû au changement de fournisseur, expliquant dans les colonnes de cet hebdomadaire que les permis ne sont pas fabriqués localement, ils sont importés. Il tient à rassurer tous les demandeurs de permis de conduire que d'ici une semaine ou plus, la situation sera réglée. On termine cette revue de presse sur cette analyse d'un blogueur du collectif Yaga sous le titre « Entre Balthazar et Donald Trump, le cœur de Bujumbura balance ». Si le reste du monde entier ne semblait pas vouloir dormir avant la fermeture des bureaux de vote américains le 5 novembre, l'Afrique s'est trouvée un autre sujet intéressant, écrit son confrère. C'est le scandale du désormais célèbre équato-guinéen Balthazar Ebang Engonga. Et entre les deux, les jeunes de Bujumbura ont leur façon de voir les choses différemment. D'un côté, explique-t-il, un groupe défend avec ferveur l'importance de discuter du scandale du désormais tristement célèbre expert guinéen en finance, Balthazar Engonga. De l'autre, une faction tout aussi passionnée s'empare du sujet des élections américaines, célébrant ou maudissant la nouvelle victoire de Donald Trump. Deux camps, deux visions, et un fossé qui en dit long sur la préoccupation des Burundais, conclut ce blogueur du collectif Yaga. Et c'est par là que nous bouclons cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.